Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'eau. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent. Se tiennent par les yeux, et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main, et brusquement ils fuient sans se retourner, et puis ils disparaissent, bouffés par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser, voilà qu'elle se retourne. Il se retourne encore, ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.